Chapitre 24. Suzanne. Le chevalier dormit du sommeil de Turenne à la veille d'une bataille, mais en revanche, Gabriel ne dormit pas. L'amour de Charny pour l'Espagnol apparaissait à la pauvre enfant sous des couleurs trop évidentes pour qu'elle pût en douter. Elle ne voyait que trop bien la profondeur de la blessure. Accoutumée depuis un an aux caprices du chevalier, l'aimant de cette foi simple et pure qui est le partage des jeunes cœurs, elle n'avait encore passé aucun délit galant à Charny, et en vérité, elle, qui savait mieux que personne le sort étrange que ce gentilhomme lui avait fait, elle avait le droit d'avoir une ambition, celle de le rendre fidèle. Il y a dans tout amour des souvenirs profonds et impérissables. En se reportant à l'époque la plus mémorable de sa vie, celle de sa liaison avec Charny, Suzanne trouvait un concours de circonstances qui eût dû le retenir sur le penchant même de cette passion folle qu'elle espérait déjouer. Elle avait 20 ans à peine, et revoyait encore en idée le couvent d'où Charny l'avait tiré. Comment avait-elle été conduite à ce couvent, la jeune fille l'ignorait. Elle s'y était réveillée un matin que chaque branche de l'enclos couvert de fleurs semblait chanter au printemps un hymne sonore, tant il y avait de rouges gorges sur les haies vives, tant le soleil était doux et souriant, l'air agité de frissons doux et paisibles. En se regardant au miroir ingrat de sa petite cellule, elle avait demandé à la vieille sœur qui lui proposait de se promener avec elle sur les marronniers, d'où pouvait lui venir sa pâleur, elle qui, dans son pays de la Loire, où il y avait de si belles rives, avait toujours les joues roses. À ses étonnements candides, à ses questions pressées d'une malade sortant pour la première fois de sa torpeur léthargique et de sa fièvre, la sœur n'avait répondu que par des mots évasifs, ayant soin de faire intervenir le nom du chevalier de Charny dans chaque phrase qu'elle prononçait, et se contentant de dire à la jeune Suzanne, c'était alors le nom que portait Gabriel, qu'elle relevait d'une longue et grave maladie, qu'il lui fallait du repos, et que chaque jour M. de Charny viendrait la voir au parloir. « Monsieur de Charny, qu'est-ce que cela ?» avait demandé la timide novice. « Monsieur le chevalier de Charny, répondait la sœur, est un ami de votre famille. Il est jeune, il est bien fait, il a tout pour plaire. Il n'a qu'un défaut, celui d'être épris de vous et délicat à l'excès, car pendant tout le temps de votre maladie, il se présentait seulement à l'une de nos grilles et envoyait Saint-Jean, son valet de chambre, s'informer de la santé de mademoiselle Suzanne. « Suzanne, oui, c'est bien moi. » reprenait alors la jeune fille, ivre de bonheur, et reportant sa pensée sur des jours moins tristes. « Voilà bien le nom qu'on me donnait. On ne m'en a jamais donné d'autre. Au château que j'ai quitté. Comment l'ai-je quitté? Comment suis-je ici? Je me le rappelle à peine. Je sais seulement que je suis bien triste, ma sœur, de ne plus revoir les gazons où je folâtrais toute petite. Le fleuve dans les argents duquel j'amarrais le soir ma barque. Car j'avais une barque, ma sœur, et... je n'en ai point à ce couvent. Les fanaux des tours de la Loire qui se répandaient la nuit et me montraient leur œil enflammé, ce qui me faisait grand peur. Je sais encore que mon père a été traîné en prison, que sans doute il y est mort de chagrin, car votre supérieur m'assurait qu'il était mort. Mais si mon cœur se gonfle au souvenir du passé, n'a-t-il pas plus encore à redouter de l'avenir ? Quelle foi, ma sœur, puis-je avoir en lui, moi, qui jusqu'à ce jour n'ai connu que les larmes et la misère ? Le bruit d'une litière arrêtée sous les murs du jardin interrompit un jour cette conversation. C'était le chevalier qui arrivait, le chevalier jeune et beau, paré de cette grâce et de cette noblesse qui plaît aux femmes. Au frémissement de ses éperons dans les herbes du cloître, à la seule trace des roues laissées par sa voiture, le cœur de Suzanne bondissait. Il venait à elle avec des regards humides d'amour, et elle en avait presque peur. Insensiblement, cette peur fit place à une sympathie tendre et douce. Le chevalier de Charny excellait sur toute chose dans le parlage galant et plein de charme des grands seigneurs. Il paraissait ignorer le passé de Suzanne, tout en se disant l'ami de son père et l'exécuteur de ses dernières volontés. Mais en revanche, il lui ouvrait les portes d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. À diverses reprises, il parlait d'en faire sa femme. Il faut avoir habité le couvent et sondé de bonheur son morne ennui, ses découragements, ses tristesses, pour savoir quel charme unique et progressif s'attache aux visites les plus ordinaires. Celle du chevalier avait cet enivrement qui suit les moindres pas des gens de cour. C'était un parfum que Suzanne emportait dans sa chambre pour toute sa nuit. Nuit charmante, étoilée que celle de Suzanne après ce départ, ses muettes confidences renvoyées au lendemain. Il n'était pas un arbre, une fleur à qui elle ne parla du chevalier dans sa solitude. Mais si ce cœur s'emplissait ainsi d'amour, peu à peu il se voyait aussi agité de vagues craintes, éperdue, tremblante devant ses protestations ardentes de Charny. Suzanne se disait parfois qu'il y avait peut-être témérité et folie à mettre sa main dans la main de cet homme, que sa langue dorée pouvait la perdre, et qu'un amour durable était loin de sa pensée. Elle s'arma de courage et lui refusa un soir sa porte. Le chevalier ne vint pas, deux jours se passèrent. Le troisième jour fini, la nuit arriva, sereine, imprégnée de doux parfums. Se fiant à elle-même, Suzanne voulut s'endormir, mais le sommeil ne vint pas. Les cigales chantaient au jardin. La lune brillantait de sa lueur chaque massif. La jeune fille descendit en ayant soin d'amortir le bruit de ses pas sur l'escalier. Il y avait auprès de la grille une fontaine à demi couverte par un parasol de chèvrefeuille. Suzanne s'en approcha, elle s'y mira silencieusement. C'est une coquetterie bien pardonnable, mais au moment où elle se retournait, émue et confuse de ce péché, elle vit derrière elle une ombre noire que, dans sa frayeur, elle jugea être Satan. Elle ne se trompait pas beaucoup, c'était Charny. Mais Charny muet, Charny sombre et triste. On eût dit vraiment du fantôme même du chevalier. Suzanne voulait fuir, mais il la retint d'un geste. « Ma mère vient de mourir, » lui dit-il. « C'était mon bonheur, mon seul amour. Voulez-vous me consoler de cette perte ?»« Comment ?» répondit Suzanne, interdite et prête à pleurer. « En me suivant, à l'heure même. Si vous me refusez, je pars pour l'Espagne. Vous ne me reverrez jamais. » Il y avait peut-être plus d'autorité que de tendresse dans cette phrase, mais le chevalier paraissait souffrir, sa voix s'était altérée. Il l'assit lui-même, Suzanne, sur un banc près de la fontaine. « Je vous donne jusqu'à demain pour réfléchir, » lui dit-il. « Songez, Suzanne, que vous avez à cette heure l'existence de Charny entre vos mains. À la nuit tombante, mon carreau se trouvera près de la grille la plus reculée du couvent. La supérieure est ma parente, elle sait mon amour. L'approuve. Mais mon deuil est trop récent encore pour qu'elle prête jamais les mains à un tel enlèvement. Jurez-moi que demain... Y pensez-vous, chevalier? J'ai cru jusqu'à ce jour à la loyauté de vos promesses, et vous venez ici m'en démontrer vous-même le vide? Si je sors d'ici, ça ne sera jamais qu'avec le droit de ne point rougir. Jurez-moi que vous me prendrez pour femme. » Il parut hésiter, et cette incertitude perça le cœur de la pauvre enfant. Mais il reprit, en voyant son trouble, « Eh bien, je vous le promets. Voici cet anneau. » Et il le tira de son doigt. « Prenez-le. Maintenant, vous ne refuserez plus de me croire. » Suzanne prit l'anneau, mais en revanche, elle lui passa le sien au doigt. « C'est une bague qui me vient de mon père, » dit-elle. « De mon père que la tombe enferme à jamais, comme cette mère que vous pleurez. » Elle est fermée par une petite tête d'ange. Charny passa la bague à son doigt, et dans cette nuit silencieuse où l'on n'entendait guère que le gazouillement de la fontaine, il n'eut pas de peine à faire consentir Suzanne à ce qu'il avait médité. Le lendemain soir, les grilles du jardin glissaient sur leurs gonds comme par miracle. Suzanne respirait un air d'amour et de liberté. Les premiers jours, la crédule enfant ne pouvait se rendre compte de l'endroit où elle se trouvait. C'était une maison isolée aux portes de la ville. Le chevalier semblait y avoir enfoui son trésor comme un avare. Suzanne ne voyait que lui. Sa voix seule arrivait à son oreille avec un murmure charmant et doux. Charny en était fou. Il la regardait des heures entières. Un jour, il y eut un grand bruit dans la petite cour de cette retraite. C'étaient des seigneurs qui, ayant découvert le lieu où Charny allait chaque soir, l'avaient suivi et voulaient entrer chez lui à toute force. Le chevalier mit l'épée à la main, et comme il s'y entendait, ils le laissèrent. Suzanne l'embrassa et lui recommanda plus de prudence. « Il vous croit amoureux d'une maîtresse, Louis, » fit-elle avec une petite moue délicieuse. « Dites-leur donc, mon ami, que vous cachez ici votre femme. » Ce mot assombrit en une seconde le visage du chevalier. 3 mois se passèrent. Il était toujours assidu. Suzanne pleurait parfois, mais l'amour est si fragile que force était pour elle de se rattacher à tout ce qui flattait sa passion. « Ne me ferez-vous donc jamais voir un bal, une fête à la cour de France ? » demanda-t-elle. « On dit que monsieur en donne de superbes. » Le chevalier souriait amèrement. Il commençait à s'alarmer devant cette âme pleine de désirs. Mais ce qui l'effrayait surtout dans les demandes incessantes de Suzanne, c'est le merveilleux instinct de jalousie qui couvait en elle. « Que cette dentelle est chiffonnée !» lui disait-elle parfois en considérant sa cravate. « Vous revenez du jeu, m'assurez-vous, Louis. Il faut donc que vous ayez perdu, et que vous soyez bien mauvais joueur. » D'autres fois. « Est-il vrai, Louis, que les gentilshommes de France apprennent à tromper comme ils apprennent l'escrime et le jeu de bague ?» Je lisais hier dans un vieux livre qu'il ne faut jamais laisser sortir son ami sans le suivre à pas de loup. Si jamais il part, on doit prendre la voie du coche. En un mot, la femme est le manteau, l'homme l'habit. Dans les temps d'orage, ils ne doivent pas se quitter. C'est là un livre d'une rare impertinence, reprenait Charny. J'ignorais qu'il se trouvât dans la bibliothèque du vieux traitant à qui j'ai loué cette maison. Si je le rencontre entre vos mains, je le jette au feu. Mais Suzanne n'en lisait pas moins. En attendant Charny, dont les absences étaient fréquentes, elle avait fini par épuiser tout le suc de cette bibliothèque romanesque. Sans avoir jamais vu l'Italie et l'Espagne, elle en pressentait déjà les mœurs. Elle en avait même appris bien vite les deux langues. La mode était alors aux comédies de Capédépée, à Cyrus et à Mandane, à la fausse Clélie et à tant d'autres belles inventions. Que de fois Suzanne, assise dans son large fauteuil à clous dorés, les deux pieds posés sur sa chaîne favorite, avait-elle savouré ses récits aventureux. Le caractère fantasque de Charny la déroutait. Suivre son amant dans ses caravanes joyeuses, demeurer près de lui, ne pas le quitter, partager même ses périls, devenait le rêve ardent de Suzanne. Elle eût voulu à tout prix se faire des ailes, sortir de cette prison mille fois plus triste pour elle que le couvent, et courir les aventures avec son beau chevalier. Aussi, quand il s'en va lui raconter un soir, au commencement de cette année 1660, qu'il partait pour l'Espagne, ou plutôt qu'il y retournait, car il l'avait connu seulement depuis son retour de Madrid, Suzanne, d'abord accablée de cette nouvelle, releva la tête fièrement. « Je partirai avec vous, » lui avait-elle dit. « Je ne veux plus vous quitter. Ma vie deviendra la vôtre, Louis. Oh, n'ayez pas peur que je vous sois à charge. Je porterai les mêmes habits que vous. Je serai votre page ou votre frère, et nul ne se doutera que sous ces habits bat un cœur ravi de toujours veiller sur le vôtre. Allez, ô mon maître, je serai jalouse et fière de vous obéir, et de vous aimer sans que le monde le sache. Le monde, voyez-vous, c'est le ver envieux du fruit, le serpent qui rampe et qui parle comme le démon jaloux de troubler le bonheur d'Ève. N'ayez que moi pour maîtresse et pour amie. L'amitié d'une femme a ses écueils, mais elle a toujours, voyez-vous, Louis, cet amour qui pardonne beaucoup. Vous, qui me parlez de livres, vous serez mon seul livre, ma seule étude, votre main dans la mienne, et partons tous deux. Nous ne laissons rien derrière nous, rien que les tombes des morts et la malice des vivants. Mais devant nous, chevalier, quelle riche perspective! Vous connaissez l'Espagne, cette patrie des femmes et du soleil, vous me la ferez aimer. J'ai grand-peur seulement que vous me laissiez le soleil pour prendre les femmes. » Et dans toute l'ardeur de ses pensées, que doublait encore la tristesse de l'isolement, Suzanne, appuyée au bras de Charny à force d'éloquence, de passion et de larmes, avait fini par amener le chevalier à donner lui-même son consentement à ce projet, si déraisonnable qu'il fût. Elle avait vaincu les résistances d'un homme qui s'était fait jusque-là un jeu de séduire et d'abandonner, d'un homme qui avait autrefois porté ses vues jusqu'à la duchesse de Valentinois et mademoiselle de Menneville. Elle était partie avec lui et sous un faux nom, cavalier par la tête et femme par le cœur, nature jeune et fière que Charny aimait au fond et dont il sentait le prix, mais que sa vanité d'enfer et ses fantaisies insatiables d'amoureux l'empêchaient de mettre à sa véritable place. Or, Suzanne n'avait pas tant fait pour subir un tel renversement de fortune au début de son voyage, et d'un autre côté, en voyant de quelle manière le chevalier avait pris feu, il fallait qu'elle portât un prompt remède à l'incendie. Elle se coucha donc, non pour dormir, mais pour se concerter avec elle-même. Ce n'était pas le duel de Charny qui l'inquiétait, mais le duel engagé entre elle et Concha. Ce qui venait de briser surtout le cœur de la jeune fille dans la scène précédente, c'était l'insensibilité profonde avec laquelle Charny semblait avoir renoncé à sa présence. Hâtons-nous de le dire, Le chevalier obéissait en ce moment à cette loi terrible de notre nature qui veut que les battements de notre cœur s'arrêtent et se suspendent d'eux-mêmes au moindre choc étranger. Il y a une phrase de Montreuil qui résume, selon nous, admirablement cette pensée. Ce n'est pas toujours le meilleur ni le plus grand verre de vin qui achève d'enivrer, c'est le dernier qu'on boit. La beauté de la comtesse avait fait revivre en Charny tout un monde de souvenirs. Elle l'avait ramené brusquement dans l'atmosphère enivrante des amours et des conquêtes qui avaient fait si longtemps sa vie. Contraint de la sorte, par le seul effet de cette opposition coquette de rétrograder jusqu'aux jours inconstants de sa jeunesse, Charny n'avait pu se refuser à leur donner un regret, étant de ceux qui vivent moins par les voluptés qu'ils goûtent que par celles dont ils prétendent s'emparer. L'aspect de la comtesse ne semblait-il pas en effet accuser son inertie amoureuse? Il l'avait déjà entrevue, admirée même à Madrid, et maintenant, ce bel astre ne se montra lui qu'entouré de brumes épaisses. Un autre s'était mis entre cette femme et sa pensée. Le chevalier, qui haïssait avant tout l'interminable ennui des scènes de maîtresse, se coucha donc en laissant la sienne fort irritée, sans aucunement s'inquiéter de Suzanne. En songe, il vit cette concha belle comme Hélène, mais qui semait déjà autour de sa couche autant de discorde que la grecque aux longs cheveux. À côté de lui reposait son épée, qu'il avait soigneusement remise en son fourreau.